Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la joyeuse aventure de Rock et Belles Oreilles. C'est le spectacle, finalement, qui a tout fait débloquer. Vous avez fait un excellent spectacle. C'est Louis Saïa qui nous a fait débloquer. C'est qu'on était très complaisants entre nous avant. On s'écrivait des choses, puis si ça nous faisait rire, on se foutait complètement que ça fasse rire les autres. Mm-hmm. Lui, il disait, si vous voulez vous faire des gags en nous autres, il n'y a aucun problème. Mais quand vous le faites 10 fois dans un spectacle, puis les gens n'ont pas ri, bien, tu l'enlèves ou tu le remplaces. Puis à partir du moment où on a commencé à faire ça dans tous les projets qu'on faisait, on a commencé un peu à resserrer et à restructurer ce qu'on faisait. C'est là que ça a commencé à partir. Quand Guy Lepage est au micro de Pierre Bourgault à l'émission Plaisir en avril 1988, le groupe Rock et Belles Oreilles est déjà très connu au Québec. Après quelques années passées à la radio, le groupe a maintenant son émission télé hebdomadaire en plus d'être présent sur disque et sur scène. C'est d'ailleurs Louis Saïa, dont Guy Lepage parle dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui met en scène le spectacle qui va valoir au groupe le Félix de la révélation de l'année au Gala de la disque en 1985. L'animateur Guy Lepage a accepté de venir nous raconter cette joyeuse aventure du groupe Rock et Belles Oreilles dans le cadre de cette série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous raconter des histoires qu'ils connaissent très bien. Dans votre cas, Guy Lepage, une histoire que vous avez vécue. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci d'être là. Ça me fait plaisir, j'adore l'émission. Ce qui est particulier avec Rock et Belles Oreilles, c'est que vous avez suspendu vos activités en 1995, mais le groupe techniquement existe toujours et revient sporadiquement, oui, sous une forme ou sous une autre. Votre dernière apparition publique remonte à très, très peu de temps, au mois de mars 2020, quand vous avez repris l'un de vos succès. On écoute ce que ça donne, le Feu sauvage de l'amour version COVID-19. Je me sentais totalement isolé. Mais quand je commençais à m'ennuyer, j'ai décidé de me mastreindre à des mesures d'hygiène. La COVID-19 est partout. COVID-19 va tout promener. Yeah, yeah, yeah, yeah. On va en venir à bout. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Guy Lepage, ces allers-retours sporadiques dans le temps que vous faites, que vous revenez, coucou, on est là, RBO. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit sur votre ADN, sur l'esprit qui vous anime depuis toutes ces années? Bien, ça ressemble exactement à ce que c'était au départ. Rock et Belles Oreilles, c'était mon stage de radio à Richard Z. Sirois et moi à CIBL. Ça devait durer 13 semaines. J'ai demandé à des amis qui étudiaient avec moi, nommément André Ducharme, Yves Pelletier, Bruno Landry, de se joindre à ça, alors que ça leur donnait aucun crédit universitaire. Mm-hmm. Ils ont accepté. On l'a fait. Au bout de 13 semaines, on a décidé de continuer, alors que ça ne rapportait plus rien à personne au niveau académique et certainement pas au niveau salarial. Donc, RBO a toujours été basé là-dessus. Le plaisir d'être ensemble, puis de faire quelque chose quand on a quelque chose à dire. Puis je pense à ce qu'on vient d'entendre, de s'inscrire, vous l'avez fait tout au cours de votre carrière, de s'inscrire dans l'air du temps, de cocher, de signaler, ah, il y a quelque chose qui nous titille, qu'on veut exploiter d'une manière ou d'une autre. Bien, dans le cas de la COVID, on voulait un peu mettre la main à la pâte puis oui, faire une chanson, mais là, je viens de l'entendre, ça sonne vraiment le cul, là. Ça, j'haïs ça, là. Oui. Je trouve ça très mauvais. Pas le contenu, mais de la façon que c'est fait. Mais on va réécouter ça dans quelques années, puis ce sera pas tout. Il y a plein de choses qui sonnent un peu comme ça, qu'on aura subies, qui vont faire partie de ce qu'a été cette période-là. Bien, en fait, c'est qu'on les a pas subies parce qu'on va les remercier, ces artistes-là, de nous avoir divertis. Ouais. Mais c'est dans des contextes de production qui sont anémiques et souvent pathétiques. Quoique, depuis 2 mois et demi, ça s'est amélioré, ouais, là. Les gens sont de mieux en mieux. Ils ont des studios d'enregistrement. Les mix sont bons. Mais ce qu'on a fait entendre au début, là, ça n'avait ouais, même pas passé à CIBL au niveau de la qualité, là. Vous en avez un petit peu parlé de vos débuts. On y revient. Il y a des traces il y a quelque chose qui s'appelle la cassette de farce, sur laquelle on peut entendre des sketchs que vous avez faits à la radio, donc à l'époque à CIBL. Le bulletin de nouvelles de Rock et Belles Oreilles. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est moi qui lis les nouvelles. Le taux d'intérêt chute encore. Richard Serrois est à la Bourse de Montréal. Je suis en studio, Guy. Quelle confusion, Richard. Eh bien, le taux d'intérêt est tellement à la baisse que tout le monde s'en calisse. Notre reporter, Steve Côté, est à Beyrouth. Ici Steve Côté à Beyrouth. Au pays, la manifestation des femmes a lieu. Un reportage de Catherine Bergman. La femme a pris la rue pour manifester sa présence. Ici, Catherine Bergman, à Ottawa. Le pilote Jacques Villeneuve est toujours à la recherche du meurtrier de son frère Gilles. Il nous a confié. Et je ne l'ai pas trouvé. Georges Trémel, quant à lui, est à Vancouver pour nous parler du scandale. Je rentre-tu en onde, là? Je rentre-tu en onde? Vous êtes en onde, Georges. Georges, le scandale de Vancouver, le premier ministre, sous un délicieux jardin fruit de l'arbre fruitier, Georges Trémel à Vancouver. Eh bien, c'est tout pour ce soir. On rappelle les manchettes, taux d'intérêt, Beyrouth, la femme, Jacques Villeneuve et Vancouver. Eh bien, bonsoir. Donc, c'est un extrait de la cassette à farce, la cassette de farce qu'on vient d'entendre. Compilation de vos numéros entre 81 et 83 et CBL. Parlez-nous de ça, de cette période-là, de cette radio que vous faites à ce moment-là, de comment ça commence. D'abord, Rock et Belles Oreilles. Pourquoi Rock et Belles Oreilles? Parce qu'il fallait trouver un titre d'émission de radio. Richard Z. Serrois et moi, dès le départ, on ne s'est pas entendus. Parce que Richard, il voulait qu'on fasse jouer de la musique qui ne jouait pas à Montréal, du ska, du punk, du new wave. Ça, j'étais d'accord avec ça. Alors, on faisait jouer les Police, Talking Heads, Joe Jackson, Sex Pistols. Mais lui, il voulait qu'on fasse la bio de ces groupes-là, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Là, je disais, ben, non, on va faire des sketchs à la place. Alors, ça a été ça, le départ. C'était, on fait jouer de la musique que personne n'écoute à Montréal. Oui. On va leur faire découvrir ces musiques-là, puis on va déconner. Oui. Mais comme on était tous des étudiants en communication, assez rapidement, le déconnage s'est quand même organisé. On a commencé à faire des sketchs, puis à structurer des fausses entrevues, etc. Puis on a eu vraiment, vraiment... C'est là qu'on a appris notre métier, en fait. Oui. Mais pourquoi Rock et Belles Oreilles? Ah, parce que c'était... Il nous fallait un titre d'émission de radio... Richard Z. Serrois, vous l'appelez ça le rock de A à Z avec Guillaume Lepage et Richard Z. Serrois. Moi, je trouvais que c'était un titre à chier. Ouais. Puis là, je disais, comme on va faire jouer de la musique, on pourrait appeler ça rock, ça passe à la radio, Rock et Belles Oreilles. Si on m'avait dit, j'ai trouvé ça en 3 secondes et demie, si on m'avait dit que ce nom-là nous suivrait pendant 39 ans, on aurait brainstormé davantage. Et c'est devenu RBO très rapidement, et j'aime mieux dire ça maintenant. Oui. Donc, début, le début de l'histoire, c'est musical. C'est la musique, le point de départ, puis les sketchs qui se greffent. Et ce ton, quand même, quand vous réécoutez ça, l'esprit, il est là, déjà. Ben oui, c'est insolent. J'aime ça. Ça me correspond très bien. Mais on était comme ça, mais en même temps, c'est normal d'être insolent à 20 ans. Moi, quand RBO a commencé, j'avais 20 ans. Je vais en avoir 60. Ça va faire 40 ans dans 10 mois. C'est normal d'être insolent à 20 ans. Mais c'est le fun de rester aussi en vieillissant. Ouais. Mais l'insolence va payer dans votre cas. Parce que c'est vrai que c'est jamais gagné dans ce métier-là, mais ça va vraiment ça va aller assez vite. Et 86, c'est vraiment l'explosion, une grosse, grosse année. Votre premier album de disque qui est certifié or cette année-là et l'année surtout où vous passez à la télé. Tu t'amuses avec tes excréments. Tu fais des dessins sur le mur avec ton caca. Tu le goûtes sans façon. Tu fais pipi sur papa et maman. C'est tout à fait normal, car tu traverses ta phase anale. C'est normal, c'est ta phase anale. Tu t'amuses avec ton caca. Si papa te fait la morale, dis-lui qu'il est passé par là. Je l'ai ri encore, pas parce que je suis resté à ma phase anale, mais j'ai un enfant de 5 ans, donc pour moi, ça c'est... Ça me ramène. C'est... Oui, ça me ramène à il n'y a pas très longtemps. Mais ce qui est fascinant de ce sketch-là, c'est que ben, on parle de cette phase anale, de choses très concrètes. On est aussi dans le goût toujours, vous le disiez, de rire. Vous riez encore de votre sketch, le plaisir que vous avez à faire tout ça. Mais en même temps, puis ça, vous ne pouvez pas le savoir quand vous êtes en train d'enregistrer ce sketch-là. Pour une génération complète, ce qu'on vient d'entendre, c'est devenu un sketch culte. Les gens connaissent les paroles par cœur. C'est ça qui est extraordinaire de l'aventure aussi. Bien, probablement que s'il y avait un tous pour un sur Rock et Belles Oreilles, il n'y a aucun des membres du groupe qui gagnerait contre un téléspectateur fan. Ouais. Parce que nous, ces sketchs-là et ces chansons-là, parce que nos chansons, c'était des sketchs, on les écrivait, on les chantait, on les enregistrait, puis on passait à un autre ou à une autre chanson. À un rythme effréné. Oui. On n'arrêtait pas. Ouais. Alors, des fois, les gens ils me disaient, hey, moi, ce sketch-là, là, est-ce que tu te rappelles de ta réplique? Puis je disais, non. Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, je réécoute du stock d'RBO, puis je ris comme si je l'avais jamais entendu, ouais. Parce que je m'en rappelle plus. Et c'est peut-être de la sénilité précoce. Mais 86, quand même, ce passage à la télé, ça, ouais. c'est majeur. Là. C'est le gros détonateur, Guy Lepage. Bien, c'est le gros détonateur. Puis on était pour certains artistes, c'était la création de 4 saisons. Alors, 4 saisons arrivent dans le portrait. Avant, il y avait juste ce qu'on appelait le Canal 2, le Canal 10, puis Télé-Québec. Ouais. Alors, arrive cette chaîne-là. Ils ont une programmation à faire, je pense que c'est 70 émissions par semaine. Il faut que tu remplisses tes grilles d'émissions quotidiennes, ton retour à la maison, t'annonces tes gros trucs. Puis là, il y a une gang de petits culs à radio, à C'est quoi, qui propose un projet, puis tu dis, ah oui, on va mettre ça le samedi soir. Puis ils se sont jamais occupés de nous autres. Mmh. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on a... L'écoute est franche. Oui, puis on est devenu populaire très, très rapidement. Il y a des gens... Mais s'il n'y avait pas eu la création de TQS, si Madeleine Caro puis Guy Fournier ne nous avaient pas engagés, bien, tout le reste ne serait pas arrivé. C'est parce qu'il y a une station de télévision qui est arrivée cette année-là. Ça a été aussi l'année de départ de Julie Snyder, ouais. Qui a commencé là et qui n'aurait probablement pas eu de job à TVA ou à Télémétropole parce qu'il n'y aurait pas eu de place pour elle. C'est souvent ça, en fait, qui se passe dans le cas de RBO. C'est des appels de phare. Vous voulez faire de la radio, quitter la CIBL, c'est bien beau, mais ça ne fait pas vivre son homme. Vous voulez quitter CIBL. Vos projets sont refusés. Puis, oups, c'est le succès, le buzz qui fait que finalement, on vient vous chercher. Même chose pour la télé, ce que vous venez de nous raconter, ces circonstances où TQS, où 4 saisons ouvrent, ils ont besoin de contenu. Bien, ce qui est arrivé quand on est passé à la radio commerciale, à C'est quoi, quand on a vendu notre âme, à la radio commerciale, c'est qu'on leur avait proposé un projet, puis cet été, ils ne répondaient pas. Puis on est parti en France dans un festival de la radio FM à La Rochelle, puis on a gagné le prix, puis on a eu des articles dans Libération, puis dans Le Monde. Puis quand on est revenu ici, tout à coup, C'est quoi être intéressé? Ouais. Ils ont quand même pris une chance. Les patrons à l'époque, merci encore, messieurs, d'avoir fait ça, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qui se faisait à la radio. Ils nous donnaient carte blanche, mais pas pour la musique. Alors, on faisait jouer des fois du Rose Laurence, qui est vraiment de la musique exécrable. Mais au niveau du contenu, on pouvait même rire de nos commanditaires. Et pas dans toute... parce que c'est la radio commerciale, effectivement. Pas de code censure, Guy Lepage? Non, mais à la télé, une fois, Ultramarde, oui. Puis on faisait une parodie de Lancé-Compte. Lancé-Compte était produit par Ultramarde. Puis on avait fait une parodie qu'on avait appelée, de façon assez subtile, Ultramarde. Puis malheureusement, il y a quelqu'un des ventes qui a vu l'émission avant qu'elle soit diffusée. Il a pogné un air, il a appelé le patron. Et ce sketch-là a été retiré. C'était diffusé à la chaîne, évidemment. Oui, on a fini par le repasser, là, mais j'étais vraiment en tabarnak. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable que vous ayez pu avoir cette liberté à peu près d'un bout à l'autre. Bien, en même temps, c'est pas ça qu'on voulait faire dans la vie. Tu sais, c'est facile de dire « je vais le faire à telle condition » quand tu ne tiens pas à tout prix. Puis je me suis rendu compte que mon moteur dans le reste de ma carrière était toujours là-dessus. C'est pas ça que je voulais faire, moi, dans la vie. Mm-hmm. Puis même 40 ans après, même si ça fait 40 ans que je fais ça, je suis à un désagrément de sacrer mon camp. Ouais. Tout le temps. Puis c'est comme si ça paraissait dans ma face. C'est comme si tout le monde le savait que... Lui, si on le contrarie, il va s'en aller. Fait que moi, je le fais. J'aime ça faire ce que je fais parce que je le fais à mes conditions, à la façon que je veux le faire, avec l'équipe avec qui je veux travailler. Pierre ouais. Béot, on avait une méthode de travail qu'on a reproduit individuellement dans toutes les autres sphères d'activité. Quand des gens, des techniciens, d'autres créateurs travaillaient avec Yves, avec moi, avec André ou avec Bruno, ils disaient, mon Dieu, vous avez la même méthode de travail. Je dis, oui, c'est la méthode RBO. Mm-hmm. C'est nous qui l'avons brandée, puis on travaille de la même façon. Ouais. Vous en avez parlé déjà, la chanson, la musique, c'est super important dans l'histoire de RBO. En 89, vous lancez votre troisième album, Pourquoi chanter? Ça devient un disque d'or après seulement 6 semaines. Il y a sur ce disque-là quelques petits succès. In my pocket. Quelle importance ça a eu, la musique, dans l'histoire de RBO, Guy Lepage? Bien, je pense que je peux parler au nom de tout le monde dans le groupe en disant que c'est ce qu'on aimait le mieux faire. Ouais. Et comme on n'était pas obligé d'en faire, alors on produisait vraiment, je dirais que notre moyenne de bonnes chansons par rapport à la quantité de chansons qu'on a faites était assez élevée, justement parce que si on n'avait pas d'inspiration, on n'en faisait pas. On n'était pas un auteur-compositeur-interprète qui se dit « Bon, ben là, j'ai 12 chansons à écrire, il faut absolument que j'en fasse. » Puis c'était tout le temps quelque chose qui faisait partie de nos émissions de radio, nos émissions de télé, nos spectacles. Ouais. Puis quand on s'est ramassé à la place des festivals il y a 5 ans, devant 110 000 personnes, à faire un show complet d'une heure et demie où il n'y avait que des chansons et à peine quelques parodies, on s'est rendu compte qu'on avait un répertoire musical qui était beaucoup plus gros qu'on pensait. Puis tout le monde connaissait les paroles ouais. par cœur. T'as pas besoin de télésouffleur quand tu fais un show de RBO. T'as juste à regarder la bouche des gens, puis tu sais exactement où est-ce que t'es rendu. Mais en fait, c'est peut-être ce qui... Moi, en préparant l'émission, je me disais, bien sûr, il y a eu des sketchs, certains sketchs qui sont devenus des sketchs cultes, vos passages au bye-bye, on va y venir dans un instant, mais ce qui revient, en tout cas, le plus facilement en tête, c'est probablement les chansons. Ce qui va rester... Mais c'est parce qu'une chanson, c'est que... Une chanson, c'est catchy. Oui. Ça représente souvent une époque. Tu vas écouter une vieille chanson de Bob Dylan, puis t'aimes ça, Like a Rolling Stone, de la façon que ça sonne, parce que non seulement c'est une bonne chanson, mais ça représente une époque. Bien, les chansons d'RBO, c'était souvent des... On s'inspirait de la musique de notre temps pour faire, au lieu de faire des copies d'une chanson qui existe déjà, on faisait des vraies chansons, mais mm-hmm. qui étaient souvent arrangées de la même façon. Sarah Rapp a été... je pense le plus gros succès, le premier gros succès rap de l'histoire de la musique au Québec. C'est une chanson d'un groupe d'humour pour ouais. déconner. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'assez sympathique là-dedans. Ouais. L'autre gros morceau, je l'évoquais, mais c'est à un moment donné, vous êtes partout. Est-ce que le milieu des années 80, c'est fin des années 80, c'est vraiment l'âge d'or, j'imagine. Vous êtes vraiment partout. À ce moment-là, on fait de la musique, des spectacles, de la télévision, puis on rayonne partout. Puis vous allez dans ce goût de liberté, de vous éloigner des chemins habituels, les plus fréquentés. Vous allez revenir à la radio, repasser à la télé, puis évidemment, ouais. donc, arrivera les bye-bye. Le général Roméo Dallaire. Faut bien comprendre que la chose la plus fondamentale au Canada, c'est le droit primordial de défendre tout individu de couleur d'origine. Et l'armée canadienne n'a pas d'autre alternative que de combattir en Afghan pour décrustrer le talibanisme de sa cachette secrète. Et comment dire, les crapoutres... avec la grâce de Dieu. Je suis désolé, général. Ah, ça me fait rire. Ça représentait quoi pour vous, le bye-bye, c'est le Saint Graal, quand on fait de l'humour au Québec? Qu'est-ce que ça représentait pour oui, vous? Oui, puis non, on l'avait déjà fait. On a fait des grandes liquidations des oui. fêtes. Alors, on connaissait le principe. Les gens sont très impressionnés par le bye-bye, puis je peux comprendre, parce que c'est gros. Mais un bye-bye fait par RBO, c'est une émission d'RBO. Ouais. C'est la même maudite affaire. On a fait la même chose qu'on faisait. Pas plus de pression parce que c'est le bye-bye. Non. La seule affaire qui était spéciale, c'est que moi, j'animais... tout le monde en parle déjà depuis quelques années. Fait que les techniciens me connaissaient, évidemment. Puis ils voyaient André Duchamp parce qu'il travaillait avec moi. Mais je me rappelle, une fois, on est arrivé sur le plateau, les quatre habillés en Beatles. Puis il y a eu un silence dans le studio, là. C'est RBO qui rentrait dans le local. Mais je pense que RBO impressionne plus les gens que les gens qui en sont membres. Ouais. Nous autres, on se connaît depuis qu'on a 20 ans. Ouais. On n'arrête pas de se foutre ouais. mutuellement de nos gueules. Aussitôt que quelqu'un écrit un sketch plate, on rit de lui, on lui dit qu'il est pourri. Puis vous, ce que vous entendez, puis ce que vous vous rappelez, c'est des grands moments d'RBO. Mais on a fait du mauvais matériel, ouais. mais il ne s'est pas rendu en nombre. Vous avez parlé de la place des festivals il y a quelques minutes. Vos dernières apparitions là, publiques, bon, il y a eu la reprise de « Du feu sauvage de l'amour » qu'on entendait au tout début, mais en gros, depuis quelques années, quand vous décidez que vous avez envie de vous réunir, c'est sur scène, c'est pour des spectacles. Pourquoi la scène? Qu'est-ce que ça veut dire pour Bien, vous? On n'avait jamais pu se payer des musiciens live. Alors, quand ils nous ont demandé, c'était le festival Juste pour rire, qui nous avait demandé de faire un choix à la place des festivals. Puis d'ailleurs, on avait fait un pari, on s'était dit combien de monde il va y avoir. Moi, j'avais dit 15 000, puis j'étais à peu près 5 000 de plus que les autres, puis il y en est venu 110 000. On voulait des musiciens. Ouais. On voulait les Porn Flakes, puis Gaétan Siam, avec qui on a fait de la musique. Puis on dit, ben oui, pas de problème. Et quand on a recommencé la tournée pour le faire au Centre Bell puis au Centre Vidéotron, on s'est dit, gars, on fera pas ça 20 fois dans notre vie. Là. On veut un setup Metallica, là, des décors qui ne rentrent pas nulle part. Puis notre décor, il rentrait tellement nulle part qu'on n'a même pas pu faire une tournée d'aréna l'été suivant parce qu'il n'y a rien qui rentrait dans aucun aréna au Québec à part le Centre Bell puis le Centre Vidéotron. Mais je suis bien content d'avoir fait ça. C'était vraiment cool. Et je suis très content de vous avoir eu, Guy Lepage, pour, en quelques minutes, mais quand même, faire un survol de cette carrière complètement singulière et brillante. Animateur de l'émission Tout le monde en parle, producteur de plein d'affaires encore aussi. Merci beaucoup. Bienvenue, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Fanny Leblanc et Yvette Kéméré, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Tous les soirs.